bien. Les bonnes choses commencent, non? Oh yeah. Zela, zela, mon combo so azanga mon kila e. Il faut compter d'abord sur ses propres moyens. Zela, zela, mon combo so azanga mon kila e. Il faut compter d'abord sur ses propres moyens. Yaman wana e, mon to akosa yo te o. La vie na yo e, ezali mongongo na yo. Yondombe opetu. Moto akosa yo te tata na bana. Oboti kolisa bongisela bango la veni. Epopolo wa ye, moto akosa yo te. La vie na yo e, ezali sakso na yo. Zela zela, mokombo so azanga mokila e. Il faut compter d'abord sur ses propres moyens. La vie na yo e, ezali banzembo na yo. Yondombe opetu, moto akosa yo te tata na bana e. Obali oboti kolisa bongisa la venir ya bana e. Epopolo wa ye, moto akosa yo te. La vie na yo e, ezali sakso na yo. Zela zela, mokombo so azanga mokila e. Il faut compter d'abord sur ses propres moyens. Zela zela, mon combo so azanga mokila e. Il faut compter d'abord sur ses propres moyens. Oh tiers mondiste. Thank you. salisa na e, toyo kana e, to salisa na biso na biso. Monsala est en passion e, mangwa na zala vigilant e. Penso ya musique se benzimbo e, to salisa na toyo kana e, toyo kana e, to salisa na e, toyo kana e, to salisa na biso na biso. Toyokanae, mangwanae, to salisa na biso na biso. Toyokanae.